Gavrilo Princip a décidé de ne rien dire. Cela fait des heures que l'homme debout en face de lui le fixe à la recherche d'un signe de faiblesse. Mais Princip ne démord pas. L'autre lui assène un coup de poing, furieux. Mais maintenant, il est habitué à être frappé, traîné, injurié, torturé. Il a presque envie de sourire, tant la douleur lui paraît insignifiante. Le procès de Gavrilo Princip aura lieu dans quelques mois. Le seul regret du jeune homme, c'est le cyanure. Pourquoi l'a-t-il donc laissé en vie? Cette question l'obsède au plus haut point. Mais pour le reste, il est fier d'avoir servi sa cause. Il a tué François Ferdinand et son épouse. Il a asséné un terrible pied de nez à un empire qui opprimait son peuple. Une belle vengeance. Ce que le jeune activiste ignore, c'est que maintenant, le monde, ou tout du moins l'Europe, est en guerre, et qu'il vient, indirectement, d'envoyer à la mort des milliers de Serbes, tout comme des millions d'hommes d'une pléiade de pays. Le procès sera grandiose. Tous les conspirateurs réunis dans une salle d'audience. Certains verront tomber leur tête. D'autres, comme Princip, se verront condamnés à passer le reste de leur jour dans une prison lugubre. En attendant, Gavrilo Princip reste muet face à cet homme qui vient de lui asséner une seconde gifle.